T'as déjà goûté des calissons d'Aix? Ils sont délicieux. C'est la tradition. C'est comme un péage. Si tu viens à Aix, tu es obligé de les goûter. Moi, j'adore.